place le dimanche matin, y a un vieux toujours là qui promène son chien, un journal sous le bras. Il se pose à mes côtés et déplie son ouvrage. Je n'ose lui parler, je manque de courage. La semaine se passe, je revois ce matin cet homme et sa paperasse. Je ne dis toujours rien. Mais peut-être que bientôt il ne sera plus là et j'entends des sabots qui s'approchent de moi. Petit, tu es fier, tu ignores les tiens. Mais le temps que tu perds, mais le temps que tu perds, mais le temps que tu perds, c'est le temps des copains.